médias, mes détracteurs qui te respirent. Je crois à un être supérieur. Le dealer, c'est lui, m'autorise à continuer à vivre dans l'erreur. Quand les croyants me le reprochent, ils se mettent au-dessus de Dieu. Et ce péché est plus grave qu'un meurtre. En quoi ma question agresse? Tu prétends pouvoir me guider vers Dieu? Avant que j'accepte, fais-moi voir ton GPS. Ni mes crayons, ni Sisera. Seul Dieu me jugera, nul autre. Circuler, le débat est clos. Nos darons disaient va à l'école, le foot ça sert à rien petit. Ils l'ont regretté quand ils ont vu le salaire de Zizou dans l'équipe. On arrive à peine à échapper aux gardiens de la paix et à la garde des sceaux. À cause du pilon on n'a plus aucune condition. On se ferait balayer par Gennaro Cattuso à chaque action. Despo Roots, dire la vérité c'est dangerous. Tard le pavé neuf pour tous les quartiers d'en bas brisés que la France d'en haut a poussé par la fenêtre. Obama, pour moi c'est une banane. Et y'a qu'un sage le botomisé pour chialer devant ce faux symbole. J'attendrai qu'il dégage les intérêts sous le plaid du mien avant de le trouver sympa. Fuck les MC new-yorkais qui viennent à Paname, font des playback et bougent dans les afters en snowbank. Cousin à bif au marabout et mon rap irait flipper USC comme si j'étais Usama ou Usain Bolt. La tolérance zéro, un concept emprunté à l'ex-maire républicain de New York, Rodolphe Giuliani. L'acharnement policier sur les pauvres t'as peut-être déjà arraché à un membre de ta famille. L'égalité des droits, une grosse escroquerie. Quand les petits se rendront compte, bah et fraude et dinguerie. Monsieur le juge, enfermez les économistes capitalistes. La pauvreté est un crime. Qui viennent pas me dire que je les incite, car s'ils savaient comment je retiens nos petits. Quand la police nous bute, ils me suceraient la bite. Les Renois mettent des chaînes en toc, c'est naze. Mais au fond, qu'est-ce que je m'en bats les couilles. On peut toujours faire mieux, mais ce sera toujours mieux qu'une corde du cul qui se clôt autour du cou. Mon label c'est comme une mine antipersonnelle. Danger Roots, mais discret cousin. Non, on est mieux que les mines antipersonnelles après réflexion posée. Soldat sans grade n'acceptera jamais de se faire marcher dessus pour exploser. Quand je revendique, je titille. Mon humour est noir comme le trois quarts d'un caïd du banditisme. Je suis moins pro-plat que tu le penses. Je n'accorde à mon bled que des vacances. Je couche avec des planches. Je suis condamné à rester dans la merde, me faire pourrir par la frustration députée par un frère. Je suis condamné à sortir de la merde, me faire saigner par l'ISF, me faire bouter par mes frères. J'ai pas le droit de faire la morale à ceux qui pipient. C'est pas moi qui paie leur loyer, c'est pas moi qui les habite. Ce qui nous sauvera, c'est pas l'espoir, mais le réalisme. Ni fataliste, ni moraliste, je suis agressivement réaliste. Je commence par dire la vérité, alors que dans ce biz, la priorité est de d'abord vendre du disque. Je représente la banlieue jusqu'à sa connerie. Je suis un Porsche, c'est pour gens de mon peuple, c'est mon fuel. C'est fou, on a arraché le droit à nos petits de mourir vieux. Bouna, Ziad, Moussine, Laramie, we love you. J'ai un problème avec les coutumes strictes, elles m'ont toujours fait ultra mal. J'ai esquivé un coup de schlasse pour avoir aimé une non noire. Les traditions ont fait fuir mon daron quand je n'étais qu'un embryon de 3 mois. Je voulais jouer un cache-cache avec mon daron quand j'attendais ses visites. Il était fort, il gagnait tout le temps. Bordel, c'était l'homme invisible. Ils me feront même payer ma tombe, ces chiens. Comme si mon appart ne coûtait pas assez cher. Y'aura peut-être un nazi ou un traître qui se reposera à côté de ma tombe. Et en vrai, c'est un peu embêtant. J'aurais aimé vivre et mourir dans le ventre de ma mère comme un lithopédion. Je demande un permis de construire au Père Lachaise. Vu que les vivants me font chier. Dorénavant, pour jeter des fleurs à des hommes, on devra attendre qu'ils se fassent tuer.